Bonjour à tous, très chers amis de la gastronomie française. Bienvenue sur French Pod. Je m'appelle Amaury. America, bonjour. This is an upper intermediate lesson. Donc, c'est une leçon qui touche à la gastronomie aujourd'hui, un petit peu. Ton sujet préféré? Oui. On retrouve deux personnages qui sont dans un centre commercial en tentant de trouver une idée de cadeau. Ah, trouver des cadeaux pour les autres, c'est toujours difficile. Hein. Ouais. Alors, on va voir ce qui se passe et on se retrouve juste après. Que vas-tu acheter comme cadeau pour le départ en retraite de notre chef ? Jusqu'à hier, je n'en avais pas la moindre idée. Mais en déambulant dans le quartier du Prado, dans la matinée, je suis passé devant une librairie et j'ai vu dans la devanture que la dernière édition du Guide Rouge était sortie. Comme je sais que notre futur ex-patron est un grand amateur de bonne bouffe, je vais le lui offrir. J'avais également pensé lui donner un guide gastronomique, le Guide France Gomillot. Mais évidemment, maintenant... Je crois que le Guide Rouge Michelin est le meilleur en France de toute façon. C'est également le plus vendu et le plus célèbre. Peut-être, mais je préfère le système de cotation du Gomillot. C'est plus clair. Je maintiens que le Guide Rouge Michelin est le guide de référence concernant la table et l'hébergement. Le Michelin a quand même été au centre de certaines polémiques. C'est parce qu'il est si influent qu'il est critiqué. L'attribution d'une étoile ou d'un macaron, comme on dit également, est si importante pour un restaurant. Je ne parle pas de la catastrophe que c'est pour le restaurateur lorsqu'il subit une rétrogradation. C'est bien beau tout ça, mais je me retrouve sans cadeau à présent. Il va falloir que je refasse le tour du centre commercial. Mais non, comme il parle vivant en Bretagne, tu n'as qu'à lui acheter le guide vert de la région. Bien vu, je suis sûre que ça va lui plaire. Alors, ils sont en train d'acheter un cadeau pour leur chef. Oui, le patron qui part en retraite. La retraite, on ne travaille plus, on s'amuse pour le reste de la vie. Oui, c'est ce qu'on dit, ce que beaucoup de gens attendent. Et le départ en retraite, c'est le moment où on s'arrête. Voilà, c'est le jour, comme tu dis, c'est la fin du travail et c'est le début d'une période agréable. Et souvent, on fête l'occasion. Oui, c'est un événement. Donner des cadeaux. Et j'imagine que ce n'est pas toujours très facile de trouver... des idées. Oui, et là, c'est ce qui se passe avec la personne ici, puisqu'elle dit « je n'en avais pas la moindre idée ». C'est pour ça qu'il déambule dans le centre commercial. Déambuler, qu'est-ce que ça veut dire ? De se promener, faire des allers-retours, faire des allées et venues en fait. Voilà. Wandering around. Ouais. Il déambule. Et elle a dit « en déambulant dans le quartier du Prado ». C'est quoi Prado ? C'est le nom d'un quartier à Marseille. Et quoi, il y a beaucoup de boutiques là-bas ? Oui, c'est un quartier assez connu où il y a des boutiques. Alors, elle est passée devant une vitrine. Oui, devant la devanture d'une librairie. Une devanture, c'est en fait la vitrine. Oui, c'est là où sont exposées les marchandises en fait. Qu'est-ce qu'elle a vu dans la devanture ? La dernière édition du Guide Rouge. Michelin voilà. Guide. Oui, donc c'est le guide, le fameux guide gastronomique. Pourquoi est-ce qu'elle pense que c'est une bonne idée comme cadeau pour son patron ? Parce que cette personne est un grand amateur de bonne bouffe. Attention, le mot amateur, c'est un faux ami. Eh oui. Le mot en anglais, c'est pas très gentil, mais en français... C'est positif, parce que cela désigne quelqu'un qui s'y connaît en quelque chose, qui l'apprécie. Et bouffe, ça veut dire food. Exactement, ouais. La bouffe. Voilà, c'est une manière très familière de parler de la nourriture. Si on dit « il est un grand amateur de bonne bouffe », ça ne veut pas dire comme en anglais « il ne sait rien sur le sujet ». Non, c'est l'opposé. Ça veut dire « il aime beaucoup » et... Toi, t'es un amateur de quoi ? Il n'y a pas une discipline, un sujet ? Peut-être on pourrait dire « je suis un amateur de musique classique ». Oui. Parce que j'écoute souvent et je connais beaucoup des compositeurs des différentes époques et tout ça. Et c'est évident qu'il est un amateur de bonne bouffe parce que c'est connu dans le bureau. Oui, parce que l'autre personne également, son collègue, pensait offrir la même chose, un guide gastronomique également, le guide Gomillot. Et c'est pareil ? Oui, c'est une manière d'évaluer les restaurants et les hôtels en France. Et vérifier la qualité. Maintenant, il commence un peu d'avoir un débat. Quel est le meilleur ? Celui qui veut offrir le guide rouge dit qu'il est le plus vendu et le plus célèbre. Et l'autre, par contre, dit que le Gomillot est plus facile à comprendre par rapport à son système de cotation. Cotation, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on évalue différents établissements, on leur donne une cote. C'est ça la cotation. Donc un système de cotation, c'est la même chose qu'un système d'évaluation. Et cette personne, il trouve que c'est plus clair dans le guide Gomillot. Mais bon, l'autre se défend et dit, il maintient que le guide Rouge Michelin est quand même le guide de référence concernant la table et l'hébergement. Maintenir, je maintiens que. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je garde mon opinion. Je ne vais pas changer d'avis. Voilà. Mais l'autre a raison de dire que, quand même, le guide Michelin était au centre de certaines polémiques. C'est quoi une polémique ? C'est un débat, en fait. Ok. Une controverse. Ok. Mais c'est parce qu'il est influent qu'il est critiqué. Attention ! That's how you say influential. You don't just say the word influential with a French accent. You have to say influent. Oui. Alors, le guide Michelin, on sait qu'on obtient les étoiles. Mais là, il dit aussi « ou des macarons ». Ça ressemble à une étoile, mais certaines personnes ont trouvé que ça ressemblait plus aux biscuits, donc ils les appellent des macarons. Ok, macaroons. Ouais. Et en fait, ces étoiles ou macarons sont des récompenses pour les restaurants. Je ne parle même pas de la catastrophe que c'est pour un restaurateur quand il subit une rétrogradation. Une rétrogradation, c'est quand on perd un niveau, lorsqu'on descend d'un échelon. Ça peut arriver. Bien sûr. Donc, par exemple, à un moment, tu as 2 étoiles. Oui. Tu subis une rétrogradation. Oh là. Et tu restes avec 1 étoile ou parfois 0 étoile. Quelle catastrophe. Disons que le restaurateur a des difficultés après ça, ouais. Mais bon, l'autre personne a des difficultés aussi maintenant puisqu'il se retrouve sans cadeau. Oui, il serait obligé de refaire le tour, continuer à marcher. Oui. In the mall. Mais bon, ça va puisqu'il n'existe pas simplement un guide rouge, il existe aussi le guide vert. Et c'est quoi le guide vert ? Le guide vert, c'est un guide touristique qui concerne la nature et les principaux bâtiments d'une région. C'est plutôt géographique. Oui, et tout pas à fait. Gastronomique, en fait. Pas du tout. Mais c'est la même société. C'est Michelin qui fait cela aussi, oui. Alors ça, c'est une bonne idée parce que le patron, il part vivre en Bretagne pour la retraite. Alors c'est parfait. Donc voilà, avant d'en savoir un peu plus sur ces guides, on va réécouter le dialogue. Que vas-tu acheter comme cadeau pour le départ en retraite de notre chef ? Jusqu'à hier, je n'en avais pas la moindre idée. Mais en déambulant dans le quartier du Prado, dans la matinée, je suis passé devant une librairie et j'ai vu dans la devanture que la dernière édition du Guide Rouge était sortie. Comme je sais que notre futur ex-patron est un grand amateur de bonne bouffe, je vais le lui offrir. J'avais également pensé lui donner un guide gastronomique, le Guide France Gomillot. Mais évidemment, maintenant... Je crois que le Guide Rouge Michelin est le meilleur en France de toute façon. C'est également le plus vendu et le plus célèbre. Peut-être, mais je préfère le système de cotation du Gomillot. C'est plus clair. Je maintiens que le Guide Rouge Michelin est le guide de référence concernant la table et l'hébergement. Le Michelin a quand même été au centre de certaines polémiques. C'est parce qu'il est si influent qu'il est critiqué. L'attribution d'une étoile ou d'un macaron, comme on dit également, est si importante pour un restaurant. Je ne parle pas de la catastrophe que c'est pour le restaurateur lorsqu'il subit une rétrogradation. C'est bien beau tout ça, mais je me retrouve sans cadeau à présent. Il va falloir que je refasse le tour du centre commercial. Mais non, comme il part vivre en Bretagne, tu n'as qu'à lui acheter le guide vert de la région. Bien vu, je suis sûre que ça va lui plaire. First, it's time for the subjonctif tip of the day. Dun, dun, dun. Today, the expression that uses the subjonctif is... Il va falloir que... Okay, now, il faut que, that's one of the most common subjonctive expressions. Tout à fait. And it's the same thing, it's just in the future. What's the sentence in the dialogue that uses it? Il va falloir que je refasse le tour du centre commercial. Comme j'ai envie de partir en vacances au Japon, il va falloir que j'apprenne le japonais si je veux me débrouiller sur place. You're going soon, right? Très bientôt, ouais. Il va falloir que j'aille acheter une méthode d'apprentissage très vite. Il va falloir que tu fasses un effort to really study hard. Oui. So, let's talk about these guides. Au début, comme on sait, la société Michelin, c'était une société de pneus. Right, yeah, they make tires. Voilà, exactement. Et au début du 20e siècle, right around when the car was being created. Il y avait peu de voitures à cette époque. Mm-hmm. Et donc, Michelin a eu l'idée de donner des informations sur toutes les bonnes adresses en France. Notamment les meilleurs garagistes où s'arrêter quand ils avaient un problème, mais également les endroits où pouvoir se restaurer ou dormir. Because with the car, people could suddenly start traveling around France the way they couldn't before. Exactement. And they didn't know where to go. Oui. So Michelin said, hey, we'll give you the pneu and the guide. Voilà. D'abord, le guide des restaurants s'est développé, est devenu de plus en plus gros. Et maintenant, ils contrôlent 5000 restaurants en France. Et ensuite, ils sont tellement développés qu'ils ont fondé le guide vert. Ce sont vraiment là des guides touristiques concernant des régions de France. Mm-hmm. Mais ça existe aussi pour les pays à l'étranger. And so, what is this other guide? Le Gomillot, c'est un guide plus récent, mais qui a la même vocation. So, is it as famous as the guide Michelin? Non, il est moins célèbre. Okay. Et comme on parlait du système de cotation ici dans le dialogue... Pour le Gomillot, c'est simplement une note sur 20. Mmh. Alors, par exemple, t'as 13 sur 20, 14 sur 20, jusqu'à 19. Ouais. Ouais. Tandis que Michelin, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. So the best is three stars. Le meilleur, c'est trois étoiles pour les restaurants et cinq étoiles pour les hôtels. So, if you're going to France and you want to know where to stay, voilà, where to eat, here's some guides that will help you. Entre-temps, je vous conseille de venir sur frenchpod.com, venir nous laisser vos commentaires, participer aux discussions. See you there, frenchpod.com. Merci. À bientôt. Au revoir.